je n'arrive pas à m'attacher. Je n'arrive pas à m'attacher. Oh, oh. C'est un problème. C'est un gros problème. C'est un problème. C'est un très gros problème. Je n'arrive pas à m'attacher. J'avais encore tout gâché. Et que je crache, je vais tout lâcher. Salut. Et crois que je vais tout lui acheter. Très vu. Mesquina, mesquina, courant de moi. Courant de moi. Happy navigant solo. Le sentiment jeté en mer. La patte est filée par le chrono. Je connais juste m'envoyer en l'air. Je ne t'aime pas à la folie. Je ne t'aime pas à la folie. Non. Je ne t'aime pas à la folie. Je ne t'aime pas à la folie. Pardon. Le ciné veut aller au ciné. Je vais lui péter le dos et le rage chez le kiné. Le ciné veut aller au ciné. Je vais lui péter le dos et le rage chez le kiné. Malgré tout, je respecte tout. Tu sais si t'as croisé ma route. Malgré tout, je respecte tout. Tu sais si t'as croisé ma route. Elle a cru au Père Noël. On sait que Chanel nous a noté. Elle veut le hlel, la panoplie. Ma liberté n'a pas de prix. Ma mère m'a dit, sois un bonhomme, allez. Y'en a marre que tu les dégages. Tu étais peut-être là-bas. Mais j'en ai déjà une qui passe le balai à tous les étages. Je ne t'aime pas à la folie. Je ne t'aime pas à la folie, non. Je ne t'aime pas à la folie. Je ne t'aime pas à la folie, pardon. Le ciné veut aller au ciné. Je vais lui péter le dos et les rageux chez le kiné. Le ciné veut aller au ciné. Je vais lui péter le dos et les rageux chez le kiné. Miskina, miskina, courant de moi. Courant de moi. Happy navigant solo. Je ne t'aime pas à la folie. À la folie.